Aïe. Abia. Hein? C'est le jour. Dis-moi que je peux, mon doigt tendu, vers les cieux. Je viens sur le jour, tu meurs que je peux, mon doigt tendu vers les cieux. À travers mon esprit se trace ce chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin. Je viens au jour le jour, tu meurs que je peux, mon doigt tendu vers les yeux. À travers mon esprit se trace ce chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin. Tout a commencé ce mercredi après-midi. Quand j'ai dit à la meuf, elle et moi c'était fini. C'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt le début. Tu m'as fait à l'échange et franchement, qui aurait cru? Faut-il forcément souffrir pour enfin être bien? Chaque jour je me surpasse, même si je sais que la vie craint. Car vivre pour enfin mourir, tel est mon destin. N'essaie pas de me freiner, car j'avance sans frein. Des problèmes comme tout le monde et parfois sans fin. Regarde-moi et mes frères, nous aussi on a souffert. Vivre d'un seul salaire, mon gars, on a dû s'y faire. Rien à prouver, tout à donner. Trop de ratures que dans ma vie d'ailleurs, j'aimerais gommer. De celui à qui j'ai fait du mal, je voudrais me faire pardonner. Faut-il que je raconte ma vie pour paraître plus crédible? Faut-il que je dise que la vie m'a laissé des traces indélébiles? Je vis au jour le jour, tu meurs que je peux, mon doigt tendu vers les cieux. À travers mon esprit se trace le chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin. Je vis au jour le jour, tu meurs que je peux, mon doigt tendu vers les yeux. À travers mon esprit se trace le chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin. Tellement de haine quand j'ai appris que l'amour m'a manipulé. Qu'au jour d'aujourd'hui je ne sais même plus ce que veut dire aimer. Pas de limite, donc je ne cesse de me surpasser. La France m'attriste tellement que j'ai envie de tout prendre puis de me casser. Pour toute cette haine et violence j'en ai plus qu'assez. Aujourd'hui la vue, je voudrais tellement l'embrasser. Moi non plus je suis pas heureux, mais bon je veux pas m'apitoyer sur mon sort. Car ma mère compte sur moi, donc il faut que je m'en sorte. En amour, on peut pas dire j'ai été gâté. Car pour moi ça n'a été que des années gâchées. On prend conscience de ce qu'on a seulement quand on l'a perdu. Dans ce moment dans fait tu me campes. Même c'est hyper dur. Pourquoi le racisme existe? Pourquoi les racistes persistent? Y'a beaucoup trop de questions sans réponse. De mes actes, j'en assume les conséquences. Et puis je prends la vie comme elle me vient. Quel est mon destin? Je viens sur le jour, tu meurs que je peux, mon doigt tendu vers les yeux. À travers mon esprit se trace le chemin que je suis. Je suis, quel est mon destin? Je viens au jour le jour, tu meurs que je peux, mon doigt tendu vers les yeux. À travers mon esprit se trace le chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin. L'ironie du sort a fait en sorte que je m'en sorte. La foi c'est la clé de tous les succès. Je fais du mieux que je peux. Chaque jour Dieu m'accorde Dieu. Mon doigt tendu vers les cieux. À chacun son destin, à chacun son histoire. À chacun son lendemain, à chacun son espoir. Ça fait longtemps que je suis loin de toi, maman. Peu importe le temps, moi je ne t'oublie pas. Te rendre fier est mon addiction. Donc réussir sera ma mission. Ici, c'est vivre pour enfin mourir. Tel est mon destin. Je vis au jour le jour, du mieux que je peux. Mon doigt tendu vers les yeux. À travers mon esprit se trace le chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin. Je vis au jour le jour, du mieux que je peux, mon doigt tendu vers les yeux. À travers mon esprit se trace le chemin que je suis. Je suis, tel est mon destin.